Kutsau di mwen chéri, mwen d'accord. Kutsau fè mwen chouchou, m'aksepte. Son sol bagay, ki ta va fè mwen la peine. Si yon jou, ou ta va chanje. Kutsau di mwen mami, pa tande. Kutsou da yo vezou, ou m'va okupe yo. Men si yon jou, ou ta va chanje l'ide. Toujours dans yon verso, ou m'va occupé yo. Son seul bagay di mami, faut ou m'en prendre moi. Tout ça yon di mon chéri, m'a pas tendé. Son seul bagay di mami, ou a fait l'espère. M'a songé, l'a nous défait d'amour. Tout ça ou te di moi. Tout ça di mwen chéri, mwen pa tande. Son seul bagay di mami, ou a fait l'espère. Ou konnè chéri ki se pou mwen esprit ou mèt posé. Mwen pa trompe ou, mwen pa kite ou. Tout ça di mwen chéri, mwen pa tande. Son seul bagay di mami, ou a fait l'espère. Tout ça, di mon chéri, mwen pa tande. Son seul bagay di mami.